Pourquoi sommes-nous partis en mer ? Cette aventure est née de la patiente passion d'une personne présente ici. Ses textes, croquis de détails inattendus, qu'elle vivifie avec sa voix envoûtante, forment notre carnet de voyage. Elle est la sirène bienfaitrice qui nous attire vers de singulières destinations. Gratifions-la chaleureusement. Lana, à la voix.